403 Ontario-Est. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, bon vendredi soir, Jean-François Lusignan avec vous pour l'émission Le Terminus. Le Terminus, c'est une émission qui vous fait tourner pendant une heure du rock indépendant et un peu tout ce qui est gravité autour. Vous allez avoir par exemple ce soir la musique de Devendra Benhart, Mauvais quart d'heure, une vieille affaire, The Forms, Bleeding Rainbow, également Bass Drum of Death. Et pour commencer le premier segment, c'est trois nouveautés que je vous ai rassemblés ensemble. Premier segment, quand même le fun, assez estival. Ça va commencer justement avec un groupe qui s'appelle Beach Vacation. C'est des jeunes hommes de Seattle qui reconnaissent vraiment qu'on arrive sur leur page Bandcamp, qui reconnaissent en gros là, leurs influences par de Beach Fossils, Wild Nothing et Craft Spells. Vous allez l'entendre rapidement. Ils ont fait paraître en avril un premier EP qui s'appelle Maritime, toujours dans les lexiques ou thématiques de la mer. On écoute la grosse chanson, on pourrait dire, de ce EP-là. Elle s'appelle Washington Weather, The Beach Vacation. Far away. l'aurez compris, c'était Crawling After You, le premier extrait du nouvel album de Bass Drum of Death qui va sortir le 25 juin, mais nous, on l'a ici à la station depuis quelques jours. Juste avant, c'était les Anglais de Splash, Splash avec deux H à la fin, et la chanson All I Wanna Do. Et le groupe est actuellement en tournée aux États-Unis, je voyais ça, pour promouvoir leur album Comfort qui vient de sortir, premier album du groupe. Mais malheureusement, il n'y a pas de date de tournée d'annoncer pour Montréal. Malheureusement, espérons qu'ils vont revenir bientôt. Et ça, ça concluait, en fait, c'était notre premier segment, le fun. Et le prochain segment, on pourrait qualifier maintenant d'un peu plus folk, mais quand même intéressant. On va poursuivre donc avec du Devendra Banhart, qui était lui la semaine dernière à Montréal. Désolé de vous l'apprendre si vous vouliez le voir. Je n'y étais pas non plus. C'était au Théâtre Corona. On va entendre de son album Mala, sorti au mois de mars, je crois, la chanson Never Seen Such Good Things sur les ondes de CISM, le 89.3. May as well be free. une nouveauté sur le palmarès de CISM. Pourquoi? Parce que... Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que Dépôt de March et Aquaserge, une chanson tirée de l'album du même nom, et qui est une espèce de collaboration donc entre la chanteuse américaine April March et le groupe néo-psychédélique français Aquaserge, donc à surveiller. Et c'était précédé de Ricolus, le projet de Richard Collado et sa chanson Crazy Lights. On va maintenant passer à un segment plus, un peu plus shoegaze avec les Tchèques Ecstasy of Saint Teresa qui lançaient en 91 le EP Pigment EP. Et par la suite, le groupe a pris une espèce de tournure électronique post-rock. En plus, ensuite, ils ont revenu à l'électro. Donc, toujours très, très loin maintenant de shoegaze d'origine. On va entendre donc la chanson Honey Rain tirée du EP qui est sorti, donc, comme je le disais, en 91. Ce sera suivi d'une autre vieillerie, cette fois-ci de 94 avec Les Mauvais Quarts d'Heure et La Rentrée de l'éléphant rose. Et tout ça, c'est sur les ondes de CSM à l'émission Le Terminus. C'était Astro Bright et leur chanson Overdriver qui se retrouve sur leur premier album qui est sorti en 2001, c'est ça, il s'appelle Crush cet album-là et c'est le projet de M. Scott Cortez et qui a débuté en 94 quand même et à l'époque là, il sortait de façon assez régulière des cassettes et là en 2001, premier album complet sur CD, oui. Et au courant de leur carrière, ils ont eu beaucoup de comparaisons, comme on peut le penser, avec entre autres My Bloody Valentine. Et avant ça, dans le segment, on a également entendu du Ecstasy of Saint Teresa et également dans le milieu du segment, Mauvais quart d'heure. On va maintenant continuer avec un peu, on va slacker un peu sur le shoegaze. Ça va être maintenant quelque chose de plus rock, indie rock, slash garage, slash punk. Avec pour commencer The Forms et leur chanson Blue Whale à l'émission Le Terminus sur CISM. So Fuzz en provenance de Philadelphie, c'était Pink Ruff de Bleeding Rainbow, une formation qui s'appelait auparavant Reading Rainbow, en l'honneur ou enfin inspiré par le nom d'une émission pour enfants sur la chaîne PBS aux États-Unis. Mais suite à des questions un peu trop fréquentes en entrevue sur justement le lien par rapport à cette émission-là, le groupe a changé il y a quelques années pour Bleeding Rainbow, un peu moins joli ou moins cute, je pourrais dire, que Reading Rainbow. Enfin, le groupe, si vous voulez les voir, seront en spectacle au Il Motoré le 29 juin prochain pour promouvoir ce nouvel album qui s'appelle Yeah Right. Et avant ça, ils avaient aussi entendu du nouveau contenu canadien, c'est-à-dire en provenance d'Halifax, c'était Long Weekends avec No Problems. On va continuer avec deux dernières chansons. On continue d'abord avec une nouvelle chanson d'Or Condor qu'ils ont enregistrée, en fait, je crois, dans leur studio. Donc, c'est une version live qui est également disponible sur la compilation de la chaîne, de l'émission de la chaîne TFO, Barbare. Donc, chanson qui s'appelle Le Pied de Biche. Et ensuite, ce sera Blood Plastic avec King Blood. Donc, deux chansons et on se reparle tout de suite après. Vous êtes toujours sur les ondes de CSM à l'émission Le Terminus.